laisser entrer par la fenêtre un amour qui n'en finit pas. J'ai chanté des chansons à tue-tête afin qu'elle ne s'en aille pas. Dans le froid de ce grand courant d'air, je me suis vêtu de ma parka. Je me suis dit qu'un bon bol d'air ne viendrait pas à bout de moi, ne viendrait pas à bout de moi. J'ai enfilé deux paires de chaussettes, mis mes pieds auprès d'un feu de bois. J'ai continué mes chansonnettes afin qu'elle ne s'en aille pas. Dans le froid de ce grand frigidaire, je me suis servi de la vodka. Je me suis dit que deux ou trois verres ne viendraient pas à bout de moi, ne viendraient pas à bout de moi. Bien conscient de mon mal de tête, ma bouche n'articule pas. J'ai voulu jouer de la clarinette afin qu'elle ne s'en aille pas. Dans le froid qui me figeait en pierre, je n'avais plus vraiment d'autre choix que de me dire: je voudrais que l'enfer vienne faire ce qu'il veut de moi, vienne faire ce qu'il veut de moi. Cette maudite fenêtre, déchiré ma satanée parka. J'ai brûlé mes deux paires de chaussettes en priant qu'elles ne s'en aillent pas. Dans le froid de ses petites manières, elle me dit: tu es un goujat. Je me suis dit: ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'elle rougira, ni la dernière fois qu'elle partira, ni la dernière fois